J'aime te regarder sans te regarder. Te voir dans le flou de pensées légères. Te sentir fier dans mon regard d'être belle. Et pour sûr tu l'es. Et tout se voile. Le sommeil m'a rattrapé. Déjà tes yeux me manquent dans mes rêves. Je suis tellement loin de tout, de ces rêves. J'ai hâte de partir. De partir tout le temps. C'est beau de croire qu'on peut tout fuir. Combien de fois tu m'as rattrapé, dis-moi. Il sait que si on désire partir, c'est qu'avant on veut changer tout. Et c'est dur d'être moins soi-même. Si déjà tes yeux me manquent dans mes rêves. Je suis tellement loin de tout, de ces rêves. J'ai hâte de partir. De partir tout le temps. Et tout se voit. Le sommeil m'a rattrapé. Déjà tes yeux me manque dans mes rêves. Je suis tellement loin de tout, de ces rêves. J'ai hâte de partir tout le temps.